tropique. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, réalisation Clotilde Pivin. Bonjour. Ah, l'année 1967. Sans doute moins érotique, dirait Jane Birkin, que l'année 69. Moins révoltée ou moins révolutionnaire que 68. Mais précisément, plus secrète. Peut-être plus excitante pour l'esprit, pour l'oreille. Année à découvrir, ici même, ou à revivre. Si, par le hasard de la naissance, vous avez assisté, en direct, ou presque, aux discussions animées, déjà, lors du Festival d'Avignon, ou au happening anti-guerre du Vietnam du Living Theatre. Si vous vous êtes trouvé aux soirées historiques à Roubaix, pour le dernier récital de Jacques Brel. Si vous avez croisé Jean-Louis Borry à Cannes, en juré, amusé et passionné. Si vous avez hésité entre le fait de devenir maoïste, situationniste ou hippie, après avoir été beatnik. Si vous avez tremblé quelques jours à l'annonce, certaine, puis démentie, puis confirmée, de la mort du Che. Si vous vous êtes demandé, apprenti, ouvrier, lycéen ou étudiant, si vous deviez vous engager en politique, tout en sachant qu'il fallait attendre la majorité, 21 ans, pour voter. Si vous avez applaudi au vote de la loi Neuwirth, etc., etc. Vécu ou non en direct, accompagné ou non par les premiers disques des Doors ou des Pink Floyd, par les tubes des Stones, des Beatles ou des Beach Boys, mais aussi par ceux de Claude François, Johnny Hallyday, Adamo, Michel Polnareff, Françoise Hardy, etc. Cette série d'été vous permettra de rattraper le temps perdu ou de découvrir l'année en question grâce à la voix de celles et ceux qui, sur France Culture, d'un côté ou de l'autre du micro, se racontaient. Nous sommes le 2 mai 1967, après le cercle de famille hier, voici la douceur du foyer. Colette Garrigue, Harold Portnoy et Robert Valette présentent « Recherche de notre temps ». Recherche de notre temps, la douceur du foyer, par Harold Portnoy. Les trois jeunes gens que nous allons entendre présentent une caractéristique commune. Pour un temps plus ou moins long, ils ont quitté leur famille. Michel a 15 ans, Marc 17, Bettina 17 ans et demi. L'histoire de leur fugue personnelle a été le point de départ de trois entretiens menés séparément. C'est à partir de ces entretiens que cette émission a été composée. Voici d'abord Michel. Quand je suis parti un lundi matin. Enfin, pour mes parents, je suis parti en cours. Pour moi, je partais en cours aussi d'ailleurs. Puis le dimanche, j'avais été humilié par mon père. Enfin, bon, ouais, humilié. Je sais pas pourquoi. Enfin, je devais me rendre chez un camarade. Et j'avais pas été chez ce camarade. Il était me chercher, mais pas trouvé. Il m'a foutu un coup de pied derrière, il m'a foutu une baffe, tout ça. Enfin, ça me plaisait pas du tout. Il y a une discussion et quand je suis parti le lundi, j'en avais franchement marre. Je suis parti pour. Je pensais aller à Nantes rejoindre ma sœur. Je suis arrivé à Chartres, j'ai fait demi-tour, je suis revenu à Paris. Comment tu es allé à Chartres ? Un stop. Arrivé à Chartres, j'ai fait demi-tour, je suis revenu à Paris, avec intention de ne pas rentrer chez moi de toute manière. Et puis, comme je savais qu'il y avait une camarade qui était toute seule chez elle, ses parents étaient partis à Bordeaux, ils habitent Bordeaux, je lui ai dit que je pourrais aller coucher chez elle le soir. Je me suis rendu, j'ai trouvé un autre camarade qui faisait une fugue également. On a parlé un peu. On a eu des adresses pour aller coucher le mardi soir. Mardi soir, on est parti coucher à Alfortville. Puis à Alfortville, j'ai eu l'idée d'aller voir un camarade de ma boîte qui avait une cave aménagée en club où les jeunes se réunissaient. On dit on pourrait très bien dormir là-dedans. Alors j'ai été le chercher au cours le mercredi midi. Puis on s'est rendu chez lui, on a mangé un peu. Et puis j'ai vécu 10 jours, je crois. Du mercredi jusqu'au vendredi, pas le vendredi qui suit, le vendredi d'après, j'ai vécu à Maison Alfort. Et qu'est-ce que c'était que cette cave ? C'était une cave comme il y a dans cet immeuble, une cave réellement qui était aménagée. On s'est mis la moquette par terre, des tentures, des microphones, des éclairages tamisés, soit jaunes, soit bleus, soit rouges, avec des bancs. C'était très bien décoré d'ailleurs, enfin décoré un peu genre western, enfin vieille pièce de western avec il y avait des fusils, des pots partout, il y avait des pots de lapin, il y avait même des pots de renard, il y avait des. Enfin, très bien aménagé. Et c'est ce camarade, enfin, le dénommé Marc. Oui, le dénommé Marc, oui. Qui était propriétaire de cette cave. Oui, propriétaire de cette cave, oui. Voilà. Comment il s'appelle, l'autre camarade ? Jacques. Voilà, donc Jacques et toi, vous êtes allés voir ce camarade et vous avez vécu dans sa cave. Oui. Et 10 jours, vous avez vécu là ? 10 jours, oui. Et vous êtes sortis, vous sortiez quand même ? On sortait, on allait voir des camarades. Le soir, on allait chez une copine. Enfin, on sortait, oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 10 jours ? On s'est engueulé, on s'est battu, on s'est marré. On s'est battu souvent parce que, à force de rester dans une cave, nous, franchement, on avait tout cassé. Et moi, j'étais tellement énervé une fois que je m'amusais à mettre le début d'un disque. J'ai mis peut-être 50 fois le début d'un disque. Et Jacques, au bout de la 50e fois, il s'est jeté sur moi. Mais on s'est battu, c'est inimaginable. Pourtant, on s'aimait bien, quoi. On était des bons copains, mais on était complètement excités. Moi, il y avait on avait marre de rester ici. Parce que se barrer de chez nous pour rester dans une cave, franchement, c'était pas ce qu'on voulait. On attendait autre chose. Une plaine de gazon couverte de beaux arbres fruitiers et coupée de petites rivières qui entretiennent une fraîcheur délicieuse sans aucun des inconvénients qu'entraîne l'humidité. Nous trouvions des troupes d'hommes et de femmes assises à l'ombre des vergers. Tous nous saluaient avec amitié. Ceux que nous rencontrions dans les chemins se rangeaient à côté pour nous laisser passer. Partout, nous voyions régner l'hospitalité, le repos, une joie douce et toutes les apparences du bonheur. Extrait du Voyage autour du monde de Bougainville, 18e siècle. Est-ce que tu te souviens de ton état d'esprit à ce moment-là, par rapport à ta famille, par exemple ? Oui, j'ai même pensé à mon beau-père. Je le voyais très bien en train d'harceler ma mère. Elle dit, tu vois, il est parti ton fils, il t'a chié sur la tête, comme il dit toujours. Il est parti, ça sert à rien de le cajoler comme tu faisais, il est parti quand même. Oui, je le voyais très bien, ma mère en train de pleurer. Et quand j'y pensais d'ailleurs, j'avais envie de revenir chez moi. J'avais envie de revenir pour lui casser la figure, parce que je pensais à ce moment-là qu'il est en train de lui sortir des bêtises. Grosse comme lui, et pourtant il est gros. J'avais envie de revenir, et puis... Il y avait toujours quelqu'un qui me voyait en train de penser, il savait que je pensais à ma mère. Enfin, mais... Pourquoi il savait ? Oui, il s'en doutait, et c'était normal. Alors, il me faisait penser à autre chose, quoi. Ah oui, c'est ça, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tes copains, ils avaient une action vis-à-vis de toi de te changer les idées, quoi. Ah oui. Qu'est-ce que tu aimes dans cette ambiance, enfin ? Qu'est-ce qui te plaît ? La solidarité qu'on a entre nous. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Mais c'est-à-dire que, surtout Marc et moi, on se comprend parce qu'on a, au moins de point de vue, les mêmes sentiments à l'égard de nos parents. Quand on en avait marre, tu restes dans cette cave, moi je me barrais. Je vais aller faire un tour, parce que la Marne était tout proche, on allait faire un tour sur les bords de Marne. Ils me rejoignent, on parlait tous les deux. Et tu aimais ce genre de moment, enfin. Oui. C'est que, enfin, je ne suis jamais drogué, mais enfin, j'estime que j'étais un peu rond, quoi. J'étais un peu souple par l'idée de liberté. Ça me tournait la tête un peu. J'aurais fait les pires conneries pour ça. C'est-à-dire ? Je sais pas, moi. On m'aurait dit, voilà, tiens, tu veux. Bonne femme qui vient dans la rue, là. Elle est heureuse. Elle est bien. Elle a 6 enfants à élever. Si tu la tues, t'as ta liberté. Je l'aurais tué, je crois. Ce mot, liberté. Enfin, pour moi, la liberté, c'est être dans un endroit qui n'est pas civilisé, premièrement. Il y aurait que des gens... je sais pas comment le dire, moi. Que des gens simples, quoi. Des gens simples. L'argent, on sait pas ce que c'est. L'argent, c'est... On sait pas, d'ailleurs. On sait pas. On n'a jamais appris ce que c'était l'argent. On sait pas ce que c'est. C'est parce que c'est que la valeur, c'est parce que c'est que l'argent. C'est un peu ça, enfin, la liberté, je trouve. Ils résolurent de mener une vie philosophique en communauté. Tout est en commun, mais le partage est réglé par les magistrats. Cependant, les sciences, les honneurs et les jouissances de la vie sont partagées de manière que personne parmi eux ne pût songer à s'en approprier d'autres au détriment de ses concitoyens. Ils disent que l'esprit de propriété ne naît et ne grandit en nous que parce que nous avons une maison, une femme et des enfants en propre. De là vient l'égoïsme, car pour élever un fils jusqu'aux dignités et aux richesses, et pour le faire héritier d'une grande fortune, nous dilapidons le trésor public. Si nous pouvons dominer les autres par notre richesse et notre puissance, ou bien si nous sommes faibles, pauvres et d'une famille obscure, nous devenons avares, perfides et hypocrites. Donc, en rendant l'égoïsme sans but, ils le détruisent, et il ne reste que l'amour de la communauté. Campanella, la cité du soleil, début du XVIIe siècle. Quand j'ai pas 100 balles en poche, je suis malheureux comme je sais pas trop quoi. Je peux pas aller prendre un pot ici, je peux pas m'acheter un paquet de cigarettes, je pourrais pas. Je m'assois par exemple à une terrasse de café, qu'est-ce que vous voulez, monsieur, excusez-moi, je n'ai pas d'argent, bon, allez, foutez le camp. C'est ça, quoi, on peut rien faire. Alors s'il n'y a pas la civilisation, s'il n'y a pas les cafés, s'il n'y a pas ça, s'il y a un endroit naturel. Et bien alors, il n'y a aucune raison. Par exemple, pourquoi on n'irait pas de Anguin où j'habite jusqu'à Paris sur un bœuf ou sur un cheval, sur une vache, sur un âne? C'est quelque chose qui n'a pas été fait par l'homme. Pourquoi d'avoir une auto, là, on passe la première, on passe la seconde, pourquoi pas aller tranquillement, gentiment, monter sur une vache et puis aller hop en avant? Puis ça, serait vraiment plus sympa de. Rencontrer des gens qui sourient, qui sont toujours là en train de sourire, qui se pressent pas le matin, qui se bouxent pas, qui râlent pas tout le temps. Pourquoi ils râlent? Je sais pas pourquoi ils râlent. Ils sont toujours en train de gueuler, les Parisiens, en tout cas. C'est l'habitude. L'habitude de ce qu'on fait. L'habitude, j'essaie de fuir. Mais quand elle est prise, c'est difficile. Sur ces routes, au fil des kilomètres, les paysages de la Grèce. Plus loin, l'ombre blanche et fraîche des ruelles d'un village. À l'horizon, les îles. Plages dorées, tavernes pittoresques. Vous êtes sur la terre de la douceur de vivre. Lu dans l'Express 1967. Dimanche, un camarade est venu à la maison. On devait aller faire du ski nautique aux Andelys. Il y avait mon oncle qui était chez moi. Et mon oncle, il est très jeune de caractère. Non, il n'est pas vieux, je crois qu'il a 27 ans. Très jeune de caractère, lui, si j'étais parti, il s'en foutrait. Lui, il est jeune, donc il part avec ses camarades, c'est normal. Mais ma mère m'a dit non, ton oncle est venu, tu dois rester ici, voilà, c'est le dimanche, c'est en famille, tout ça. Et ben moi, ça. J'avais pas du tout envie, j'étais malheureux toute la journée. Et ton beau-père ? Comment mon beau-père ? Qu'est-ce qu'il disait, lui ? Bah lui, je l'ignore, je m'en fous. Et lui, il se fout de moi, il m'ignore. Alors là, ça va. Enfin, il y a ma mère qui a pris un sandwich entre lui et moi, ça va pas être très gai pour elle. Tu es sûr qu'il s'en fout ? Oui, j'en suis sûr. Quand je suis parti, enfin, quand j'ai fait ma fugue... Qui c'est qui est venu me chercher à la gendarmerie ? Quand je me suis fait avoir par les flics. C'est bien eux, ils sont dérangés, ils ont fait 250 km en plein milieu d'après-midi où ils ont quitté leur bureau pour venir me chercher. Qui c'est eux ? Ma mère, enfin ma mère elle a quitté le bureau, enfin de toute façon elle le quitte quand elle veut. Mon parrain, il y avait mon parrain, il y avait mon oncle et il y avait le beau-frère de mon oncle. Et ils sont dérangés de leur bureau, de leurs obligations où ils étaient pour venir me chercher. Ça t'a plu, en quelque sorte. Oui. J'étais à la gendarmerie. Par la fenêtre, il y avait le parc. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait une déesse qui vienne. Bleu marine avec le gris métallisé. Et voir mon père descendre. Je ne me suis pas du tout imaginé une seule fois. Et d'ailleurs, elle n'est pas venue. Moi, quand il n'est pas là, je suis vachement heureux. Dès qu'il est là, je suis intoxiqué. Qu'est-ce que ça veut dire, intoxiqué ? J'ai dû bouger, je vais là, je le vois, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise quand je le vois, ce type-là. Dis-moi sur un autre sujet. Qu'est-ce qui se passe entre l'école et toi ? Qu'est-ce que tu penses de tout ça, quoi ? Premièrement, quand je vais à l'école, c'est comme quand je me rends dans une église, je me marre. Mais je me marre, c'est inimaginable. La mimique des profs, la mimique des curés, moi j'éclate de rire. C'est exactement pareil. C'est-à-dire que les professeurs qui rentrent en classe, on se lève, on se tait, il faut s'asseoir, on regarde, on écoute son cours, gentiment, on prend des notes, il faudra poser une question, puis alors à l'église, il faut se lever à cet moment. Enfin, j'ai été à l'église quand j'étais plus jeune, il faut se rasseoir, il faut se foutre à genoux, il faut bouffer l'hostie, une genre de mimique comme ça, moi. Moi, je fais un rapprochement tout le temps et quand je me rends dans une église, j'éclate de rire tout le temps. Et quand j'ai envie de rire, je vais dans une église. Comment ? Quand j'ai envie de rire, je vais dans une église. Non, vraiment ? Ah, oui, matériellement ? Oui. Avec des camarades qui sont à peu près comme moi, on a envie de se marrer, on va à la messe. Tiens, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai envie de me marrer aujourd'hui, on va à la messe. Pour les vins arrivés, plonger la main dans le bénitier, se faire un signe de croix, et moi, alors, je tombe raide. Cela dit, le professeur, lui, en dehors de toute question de croyance, de foi ou de quoi que ce soit, il peut penser que ce qu'il t'enseigne, tu as besoin de le savoir. Bah, il a juste besoin de le savoir, mais je m'en fous de le savoir. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute, moi, que A égale B ? Voilà, de toute façon, en algèbre. Alors là, je m'en balance. Alors. C'est-à-dire que je m'amuse à contrarier les profs, en plus de ça. Si on reprenait un peu l'histoire de cette fugue, oui. À l'endroit où on l'a laissée, et je crois qu'on l'a laissée dans une cave. Oui, c'est dans une cave, oui. On va le sortir de la cave. On est dans la cave, hein. Oui. Quand on est parti à trois, Jacques est resté. Oui, qu'on a su qu'il avait foutu une fille enceinte, et que c'était pour ça qu'il s'était barré. Alors écoute, mon vieux, on lui avait dit que comme ça, qu'il n'y avait pas de raison. On fait assez, hop, c'est simple, on fout une fille enceinte, et on se tire. Alors, tu te démarres comme tu veux, nous, on t'emmène pas. On ne file pas de honte. En fait, il y a des principes dans votre groupe. Alors. Exactement. C'est ce qu'on essaye d'en avoir, mais enfin... Je crois que quand même nos parents ont divorcé, c'est quand même un peu marqué, et quand on s'est imaginé si la fille ne s'était pas fait avorter, un gosse sans père, encore de plus. Vous êtes contre? Oui. Puis alors on est parti, on a pris le train, la gare de Lyon pour Marseille. Michel, Marc et moi. Vous aviez de l'argent? On est parti avec 50 000 francs. Non, pas 50 000 francs, je raconte 35 000 francs. Il y avait 22 000 balles de transport, parce qu'on est parti en train. Arrivé à Marseille, il ne reste plus beaucoup. À Marseille, on est parti pour Cassis. Moi, je ne connaissais pas tellement la côte. Je pensais que Cassis, c'était une petite ville tranquille. Quand je me suis aperçu que c'était une petite ville de snobinards, on n'est pas resté longtemps. On est reparti pour Marseille. Et qu'est-ce que vous souhaitiez ? Nous, ce qu'on... On s'imaginait que c'était un petit port de pêcheurs, quoi. Enfin, avec quelques chalutiers, des baraquements où on pensait vivre là un peu pour se barrer après. Mais se barrer de quelle façon ? On voulait changer de continent, quoi. Et aller où ? Ben, on avait un but, un pays qu'on connaissait pas. Je connais rien sur ce pays-là. Je crois que c'est pas encore tellement civilisé. Je sais pas, la Nouvelle-Zélande, je sais pas du tout ce que c'est. Je sais pas du tout sur le coin de par là. On voulait essayer, on aurait mis le temps, essayer d'aller voir ce qui se passait là-bas. Nous arrivâmes. Nous fûmes frappés d'un spectacle ravissant. L'île était jonchée de fleurs. Les plaisirs, les jeux folâtres se mêlaient aux fêtes des citériens. On ne voyait que danses et courses légères. L'air retentissait de chants amoureux. Le hautbois, la musette, la flûte, la vielle formaient partout des concerts enchanteurs. Je priai un citérien de m'instruire du sujet de ces divertissements. Nous célébrons, me dit-il, l'amour et les plaisirs. Rivière, le moyen d'être heureux, ou le temple de Cythère. 1750. Quel est ton état d'esprit par rapport à une réussite possible de ce genre d'expédition ? Une bonne révolution, partout. Une bonne révolution dans le monde entier. Une bonne guerre mondiale avec tous les pays. Là, j'aurai la paix, je crois. Pour toi, trouver un endroit tranquille. Qu'est-ce que tu veux dire, là ? Explique-moi un peu. Si les gens se battaient, si quoi, si... Oui, si les gens se battaient dans le monde entier, premièrement, il n'y aura pas de police pour nous rechercher. S'occuper d'autre chose. Il faudrait une bonne merde totale dans le monde entier. Moi, c'est ce que je souhaite. Vraiment ? Ah oui, vraiment. Parce que moi, qui ai la guerre au Vietnam, alors là, je m'en fous. Que les gens peuvent se tuer, que les Chinois crèvent de faim, ça, alors là, je m'en fous, mais alors, franchement, hein, comme de mon beau-père. Moi, du moment où je vis tranquillement, c'est peut-être... je suis égoïste, d'accord, je suis égoïste, mais alors franchement, j'en ai rien à foutre. Non, moi, je t'ai rien dit. Oui, oui. Et tu as l'impression que plus les gens se bagarreraient entre eux... Toujours à la paix, oui. Et là, t'as l'impression de ne pas avoir la paix. Non. Par exemple, comment vous êtes fait prendre ? Ben, moi, je vais prendre faisons du stop à peu près de Dijon. Dijon, c'est pas Cassis ? Non, je suis revenu. Ah bon, vous étiez sur le chemin du retour. Oui, oui, oui. Vous reveniez. Oui, on revenait. Vous êtes fait prendre en revenant. Non, moi je me suis fait prendre tout seul parce que vous n'avez pas le train. Et pourquoi pas toi ? Ben, moi j'avais pris le train de Valence jusqu'à Mâcon, là on avait pris 100 billets. On s'était fait avoir par les flics, conduit au commissariat et là ils ne m'avaient pas arrêté les flics. Bon, ils nous ont laissé repartir et je me suis dit, si je reprends le train, 100 billets. Si on s'endort comme on l'a fait, comme on a été crevé, qu'il y a encore un contrôleur, bon, peut-être que je vais me faire piquer ce coup-ci. D'ailleurs, ils se sont fait piquer en prenant le train. Pourquoi vous étiez crevé comme ça ? Bien sûr qu'on n'a pas tellement dormi beaucoup. On a dormi sur une plage. Comment ? On a creusé un trou dans le sable. On s'est foutu dedans, puis on a remis le sable sur nous. Insolente beauté des plages. L'espace n'est pas compté. Le soleil est fidèle. avec ses routes larges et belles, ses sites fabuleux, une nature éblouissante, un peuple généreusement hospitalier. Lu dans le Nouveau Candide, 1967. J'espère qu'un jour je réussirai, qu'un jour je serai vainqueur. Dans la même action, enfin. Oui. J'espère qu'un jour, j'arriverai dans un endroit où je serai seul, enfin seul, pas tout seul, mais que je ne sois attaché à rien du tout. C'est-à-dire qu'un endroit naturel, surtout, avec des camarades qui sont comme moi, qui ont le même état d'esprit que moi, filles et garçons. Des arbres, une rivière, une forêt, la mer, une île, quoi. En ce moment, eh ben oui, c'est la sincérité que je recherche. Je trouve la plupart des gens hypocrites, avec beaucoup de défauts, des salauds, pas sincères, ou bien alors se conduisant comme des lopes, n'ayant absolument aucun sentiment de cœur, ou bien alors rien dans la tête, enfin toutes sortes de choses. De toute façon, je suis d'avis qu'il faut rigoler sur Terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Rigoler, c'est-à-dire ne prendre absolument rien au sérieux. Mais vraiment rien, rien du tout au sérieux. S'amuser de la chose vraiment la plus futile, de ce qu'on sent, c'est-à-dire ce qu'on sent, quoi, car malgré tout, la plupart des gens ne font pas ce qu'ils sentent, mais malgré tout, ce que leur raison leur dit de faire, et non pas ce que leur cœur leur dit de faire, ou leur envie du moment. Et vous? Et ça, dans un sérieux, ben, j'appelle ça un petit peu ça, se prendre au sérieux, faire parler sa raison, tout ça. Et ben pas du tout, et ben si on a envie de faire la moindre chose, aussi bête soit-elle ou n'importe quoi, on le fait. Et puis c'est tout, et puis ça s'arrête là. Même si l'univers s'arrête là, c'est pas grave. Vous avez envie de vivre spontanément. Exactement. Selon les sentiments ressentis, voilà, sur ça. Le moment. Vous avez envie de vivre ici et maintenant, comme c'est on ça. Dit. Et qu'est-ce que vous éprouvez là, ici et maintenant, devant ce micro et en face de moi? Ah ben ici maintenant, ça va bien, quoi. Ça fait un petit bout de temps que je vais pas parler avec quelqu'un, alors. Je dis pas que ça fait vraiment du bien, non, mais enfin ça... Si, ça fait du bien. Là. Oui, cette idée de vivre comme cela, spontanément, est-ce que vous le faites? Est-ce que vous y arrivez? Parce que ça, c'est bah, dans une certaine mesure, malgré tout. C'est-à-dire, tant que je vis chez moi, tant que je fais mes études, bien entendu, je peux pas. Je le fais dans une certaine mesure, dans la mesure où ça me procure des ennuis, avec mes parents, avec l'école, avec tout, avec les gens autour de moi. Oui, je le fais. Mais pas dans la mesure où je voudrais. C'est pour ça, justement, que je veux partir pour le faire, dans la mesure où je le veux, quand je veux. Qu'est-ce que vous rencontrez comme obstacle, en général? Quels sont les obstacles qui font que le mur est là, hop, vous êtes obligé de capituler? Je ne crois pas que ce soit l'incompréhension des gens, parce que ça, j'y crois pas tellement à la... on comprend pas, ça, j'y crois pas tellement personnellement à ce genre de choses. Les obstacles, ce sont les obstacles matériels. Manque d'argent? Non, pas du tout. Non, au contraire, ça, moi j'ai de l'argent, mieux ça vaut. Parce que, malgré tout, c'est tentant l'argent. Et je sais pas, je peux pas dire justement, mais ça me fait malgré tout assez peur. Si un jour j'avais de l'argent, qu'est-ce qui me dit que je ne deviendrais pas comme tous ces gens-là? Et mais bien sûr, à partir de ce moment-là, je le serais, donc ça n'aurait plus aucune espèce d'importance. Mais en ce moment, j'ai aucune envie. Et c'est pour ça, ça me fait un petit peu peur. Pas tellement, parce que j'ai quand même très confiance en moi de ce côté-là. Je crois que l'argent, c'est absolument rien. Mais enfin, vaut mieux toujours se méfier. Remarquez, Marc, du moment que vous avez fait ce que la société appelle une fugue, ça signifie bien que dans la vie courante, dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, vous n'arrivez pas à vivre comme vous voulez. Ah oui, hein? Oui, bien sûr. Et alors, reprenons cette idée d'obstacle, ça m'intéresse de voir un peu quels sont les obstacles. Vous avez dit des obstacles matériels, ça veut dire quoi? Eh bien, par exemple, le matin, c'est idiot. Très souvent, par exemple, chez moi, on dit « tu es un paresseux ». Pas du tout. Pour moi, personne, j'appelle pas ça de la paresse. Du jour où j'ai envie d'écrire quelque chose, du jour où j'ai envie de fonder quelque chose qui me tient à cœur, tout ça, je le fais. C'est ça. Je considère que je suis pas un paresseux. Je serai un paresseux à partir du moment où j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie, par exemple, d'écrire une pièce. J'ai envie d'écrire une pièce ou d'écrire une nouvelle d'un seul coup. Et puis j'arrive devant, j'ai pas le courage. Là, c'est de la paresse. Mais je vois pas pourquoi je ferais une chose que je n'ai pas envie de faire. C'est ça qu'on appelle la paresse. On me dit, oui, bien sûr, tu es paresseux, c'est pas croyable. Tu te lèves à l'heure que tu veux, tu ne fais pas telle chose quand on te le dit, etc., etc. Mais bien sûr, pourquoi, puisque je n'en ai pas envie. Et vu que de toute façon, je ne me sens pas pris du tout par ma famille. De toute façon, si ma famille, jusqu'à 21 ans, je suis sous leur garde, donc je considère que ma famille doit s'occuper de moi. Donc j'ai absolument rien à leur rendre, quoi. Bien entendu, il s'agit non plus de ne pas être un petit salopard qui cherche à faire le maximum d'ennuis à ses parents et tout ça. Je trouve ça, j'appelle ça de la méchanceté, ou de toute façon, c'est pas ça non plus. Seulement, de toute façon, il n'est pas question non plus de faire des efforts. Et un problème, par exemple, rien comme se lever le matin à l'heure dont j'ai envie. Bien entendu, c'est de la paresse. Mais de la paresse qui correspond à quoi? Eh bien, ne pas avoir envie d'y aller. Et pourquoi y aller quand on n'en a pas envie? C'est ça. Mais du moment où j'ai envie de faire quelque chose, eh ben c'est là que il s'avérera que je ne suis pas un paresseux. Parce que j'y crois, parce que j'ai envie de le faire. Et vous pensez qu'il y a un endroit où on peut vivre comme vous le souhaitez? Ah ben j'espère. Parlez-moi un peu de cet endroit. Rêvons-le, si vous voulez, en attendant. Ah, ben une petite île bien, de toute façon, avec des... Avec des filles. De toute façon, il n'est pas question de vivre entre hommes. Question. Donc, ce serait une île. Le merveilleux, quoi, c'est-à-dire... ce qui n'est pas impossible, mais ce qui est extrêmement difficile. Ce serait une île, un climat tempéré, avec des animaux, enfin tout ce que ça peut... Et le travail, surtout le travail de la terre et tout ça. Et pouvoir se livrer, bien entendu, parce que le travail de la terre, je sais pas, mais enfin, on doit pouvoir, surtout si on est pas mal, on doit pouvoir... parce que de toute façon, je ne vais pas partir tout seul. Je suis un être social, il suffit simplement d'en compter ses semblables, quoi, c'est tout. À plusieurs, on doit pouvoir rendre un rendement meilleur et pouvoir en même temps se nourrir tous. Donc, ce qui permettrait que chacun pourrait se livrer à son passe-temps, c'est-à-dire à son passe-temps ou à ses passe-temps. Mais s'il y en a un qui a envie de faire de la mécanique, il fera de la mécanique quand il voudra. S'il veut faire de la mécanique à 4h du matin, il se lèvera à 4h du matin, il ira faire de la mécanique. S'il y en a un qui a envie d'écrire un roman, il y travaillera pendant 3 jours. Et puis les autres, ils iront labourer le champ à sa place pendant 3 jours. Parce que 2 jours plus tard, eux, ils le feront. Ou parce qu'ils sentent bien que en ce moment, il a envie de le faire. Du coup, on peut bien faire ça pour lui. C'est ça. Avec du travail, bien entendu, parce que de toute façon, il est bien entendu que si on n'a rien à faire, on s'ennuie. Et comment sera organisée la vie là-bas, enfin, De toute façon, le minimum, c'est-à-dire des gens sûrs, car il y a un problème énorme. Ce qui est très ennuyeux, c'est comment ça se passera au bout de 2 ans. Est-ce qu'il n'y en aura pas un? C'est ça le problème. Est-ce que partir avec des gens qui, au bout de 2 ans, ne se diront pas, dans le fond, elle est pas mal du tout, la femme du copain? Ah, si on y allait voir un petit peu, hein. Il n'a pas l'air de lui déplaire, dans le fond, si on essayait. Et puis d'un seul coup, l'autre s'en aperçoit et bang, et ça se tue. Et puis d'un seul coup, c'est l'anarchie, et puis tout le monde se tue, et puis c'est la mort, et ce genre de choses. Voilà, c'est ça le gros problème. Arriver à vivre dans la paix et... Alors, il y a le problème des filles, surtout, qui intervient. Parce que c'est toujours tentant, la femme du copain. Vous serez combien sur cette île? Enfin, vous en visez... Ça fait maintenant un an à peu près que j'y réfléchis et qu'on y réfléchit. Enfin, on compte... À peu près, je sais pas, une cinquantaine à peu près. C'est déjà énorme, énorme, 50 bonshommes. Ça demande une organisation, non? Ou c'est l'anarchie? Voilà, encore un problème, très difficile. Et serait-ce une anarchie ou une organisation? Parce que malgré tout, il y a un minimum d'organisation, et puis une organisation, c'est retomber dans une société. Mais c'est un rêve chez vous, ou c'est quelque chose que vous pensez que vous allez réaliser? Ah non, c'est pas du tout un rêve. Ah non, pas du tout. Ah bah non, si c'est... Non. Si, un rêve que je vais réaliser, parce que je sais que c'est pas un rêve impossible, parce que je suis pas complètement malade, et que c'est faisable. Ça comporte d'énormes difficultés, mais c'est faisable. Et cette cave dont on a parlé, c'est votre cave à vous? Ah, le club. Ah, le club. C'est pas... Oui. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça, c'est un club qu'on a fondé il y a maintenant, drôlement longtemps. Ça va faire 6 ou 7 mois que ça tient déjà. Enfin, on a eu des ennuis dernièrement avec la police, mais ça, c'est à cause des emmerdeurs. Mais ça tient drôlement, et jusqu'à présent, il y a eu beaucoup d'ennuis, on a viré pas mal de monde. On était parti avec cette idée, on fera un machin, on se serait solide entre nous. L'ennui, c'est que les types, ils veulent pas partir. C'est ce que je déplore, parce que justement, il y a, parmi mes meilleurs camarades, il y en a deux justement qui sont là-bas. Il y en a un, il va peut-être partir. Enfin, je veux pas le décider justement, parce que je veux pas que ce soit moi qui arrive à le convaincre, je veux qu'il fasse de lui-même. C'est ça aussi le problème. Il vit à la cave en ce moment, oui, c'est ça? Ah non, il vit pas, non. Enfin, il vit chez lui, quoi, mais enfin, il vit au club. Et... Le problème justement, c'est pas d'arriver à les convaincre, il faut que ça se fasse spontanément justement, que s'il veut partir, il partira de lui-même, non pas qu'on le convainque, mais pars, t'auras tort à telle et telle chose, tu vivras mieux, etc. Il faut qu'il fasse s'il en a envie, si c'est de lui-même, il trouve ça mieux, toutes sortes de choses. Mais alors ça sert un peu de tremplin en quelque sorte, je veux dire que c'est un lieu de transit. C'est quoi, ça, hein. Exactement. Votre camarade exactement vient de nous parler là et il nous a dit qu'il est d'abord allé dans cette cave. Ensuite c'est il a vécu quelques jours dans cette cave et ça a été de cette cave que vous êtes parti. C'est ça. Un lieu de transit en quelque chose. Donc vous êtes pas tellement apprécié d'ailleurs par les parents et par tous les gens autour, c'est tout à fait normal. Mais enfin ça tient le coup, puis si jamais ça craque, alors là on est décidé à se venger durement. Hein. C'est-à-dire? Oh, je vais faire des bêtises, même quitte à partir immédiatement, parce que franchement, le club, ça représente malgré tout une chose énorme. Quelque chose qu'on a fondé, comme ça, dans lequel on y a mis tout notre cœur et tout ça. La décoration est pas mal, mais c'est surtout ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire ce que ça représente, quoi, par nous-mêmes. Quelque chose de très solide qu'on essaye d'avoir entre nous. Au fur et à mesure, bah, ça craquait. À cause de l'histoire avec des filles, à cause de toutes sortes de choses, qu'il y avait un bordel qui se fondait à côté, parce que bien entendu, dès qu'on a fait ça, il y en a d'autres qui disent « Ah, mais c'est pas une mauvaise idée ça, on va en faire autant. » Bon, la différence, c'est qu'ils ont fondé un bordel. Alors, vous, c'est pas du tout comme ça. Ah, non, absolument pas. On nous a accusé de ça, mais enfin, ça, de toute façon, on ne pourrait jamais savoir. Mais qu'est-ce que vous faites alors, d'importance. Effectivement, bien entendu, c'est normal que comme ça se passe comme partout, et bah oui, il bah, y a des filles qui viennent et puis tout le monde se doute de ce qui se passe. Mais en fait, de toute façon, ce n'est pas le but essentiel, et si ça se passe, c'est de toute façon, c'est pas ça au club. C'est ce qu'il y a entre nous, ce qu'on fait entre nous, c'est-à-dire être vraiment libre entre nous. On s'amuse franchement toute la journée, parce qu'on se connaît, parce que c'est des camarades qui sont à peu près comme nous, qui se correspondent, chacun on s'apporte quelque chose, plus ou moins les uns aux autres, on s'apporte tous un petit quelque chose, et entre nous on est vraiment bien, on s'amuse continuellement. On s'amuse surtout. Frivole, c'est futile, enfin, c'est complètement idiot, quoi. On s'amuse continuellement, de la moindre chose. On danse, on fait tout ça, tout. Souvent votre mère? Oui, presque tous les soirs, enfin sauf quand elle travaille. Et puis je vous demandais, c'est pas indiscret, quelles sont vos relations avec elle? Très bonnes, très bonnes, sauf par moments. Qu'est-ce que ça veut dire très bonne? Très bonne, c'est-à-dire que je m'entends très bien avec ma mère, c'est une très bonne copine. Et que est-ce qu'elle me comprend? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas tellement à la compréhension. Mais elle m'aime sincèrement, moi je l'aime aussi dans une certaine mesure. Donc ça fait malgré tout qu'on peut faire des choses ensemble et qu'elle me passe des choses, de même que moi, je fais des efforts pour elle. Ça, c'est simplement une question d'amour. Non, pas de compréhension entre elle et moi, parce que j'y crois pas tellement. Je suis son fils, elle-même. Moi, c'est ma mère, dans une certaine mesure. Et vous mettez quand même pas mal de barrières, hein, dans une certaine mesure, on se comprend pas. Mais oui. Il n'y a pas de dialogue réel, alors? Non. Je veux dire, vous comprenez? C'est-à-dire, je m'amuse bien avec ma mère. Mais il n'y a pas de contact. Sans parler du conflit des générations, parce que ça me fait... J'aime mieux pas... C'est complètement idiot, j'aime pas ce genre de choses. Mais il n'y a pas de contact. Non. Je crois pas. J'ai un petit frère aussi. Ça, c'est un problème. Je crois que si j'ai une des plus grandes responsabilités, c'est vis-à-vis de mon petit frère. Parce que justement, il y a une chose dont on m'accuse, on dit, voilà, tu l'éteins sur ton petit frère, et tu vas faire de lui, mon père m'a dit, je ne sais pas du tout, il est possible que tu sois fait pour ce genre d'existence, que tu sois fait, que tu es comme ça, je le comprends fort bien, seulement, ton frère, lui, n'est pas encore mûr, et il est possible qu'il ne soit pas comme toi. Effectivement. Alors, d'un autre côté, il a 14 ans. Seulement d'un autre côté, je fais pas non plus exprès de dire à mon frère, je lui fais pas exprès entrevoir tout ce que j'entrevois à travers mon univers. C'est-à-dire, si je le fais, c'est parce que j'ai besoin de le faire. Seulement d'un autre côté, c'est ennuyeux. Parce que c'est une responsabilité. Si je l'aimais pas, ce serait tellement facile. Je m'en foutrais. Vous l'aimez, lui? Oui, j'aime mon frère. C'est ça l'ennui. C'est tellement pratique quand on n'aime pas les gens. On a un immense avantage, on s'en fout. Quand on n'a pas le sens moral. J'ai absolument pas le sens moral, les gens que j'aime pas. Que ça peut me faire? Est-ce que c'est vrai par rapport à votre mère ce que vous venez de dire là? Oui. Vous en foutez? Presque, oui. Franchement, oui. Mon père, moi. Oh, presque si. Non, Non, il faut être sincère, franchement. Mes parents sont sont pas grand-chose pour moi. Autrement, je partirais pas. Franchement, si je les aimais, je partirais pas. Et puis, bah oui, bah je les aiderais parce qu'ils ont d'énormes problèmes en ce moment et tout ça. Mais c'est parce que vous les aimez pas. Exactement. Quand repartez-vous? Quand souhaitez-vous repartir? Ah, ça c'est un secret. Parce que si jamais ils le savent... Non, vaut mieux quand même prendre... On sait jamais. C'est jamais si ma petite maman, elle écoute ça. Déjà, elle va en prendre un méchant coup. Alors... Je dis sous diverses formes, mais enfin... Non, là, il vaut mieux prendre ses précautions. De toute façon, maman, je te préviendrai quand je partirai. Non, c'est vrai, de toute façon, je préviendrai ma mère. On verra. La façon dont elle agira à ce moment-là. Je la convaincrai ou je la tuerai. Moi, je vois, en fin de compte, les parents, c'est quelque chose de chaud. Si, il n'y a que ça de vrai. De mon côté, il n'y a que ma mère, en fin de compte. C'est très chaud. Chaud. C'est très chaud d'avoir sa mère, je trouve. Enfin, on en a besoin, c'est sûr. Moi, j'en ai très souvent besoin. Par contre, enfin, mon mère, ça, j'avoue que... Enfin, mon mère, mais... Mais je sais pas. J'ai fait des blagues, enfin, je suis partie deux fois de chez moi. Et peut-être que j'en partirai une troisième fois, c'est certainement sûr, d'ailleurs. Mais je l'ai regretté, enfin, en fin de compte. J'ai regretté d'avoir fait ça. Pas pour le faire, mais vis-à-vis de ma mère. Non, parce que je crois qu'elle a très bien compris. Ou elle a pas compris, s'il y a une solution, il n'y a pas... De toute façon. Enfin, je sais pas si... Vous savez, je suis partie comme ça, moi, sans argent. J'ai fait 14 000 km l'année dernière, en stop. Oui. Je suis partie comme ça, et quand je suis revenue, ma mère ne m'a rien dit, mais je crois qu'elle me cherchait partout, et je vais lui manquer, moi aussi, en fin de compte. Je crois que c'était une erreur que je fasse ça. Mais j'avais envie de partir, c'était une idée comme ça, c'est venu, l'envie de m'échapper. Je crois que j'avais trouvé la liberté là-dedans, en fin de compte, j'étais toujours cernée par quelque chose. Combien de temps? Je suis partie deux mois et demi, comme ça. J'étais continuellement sur les routes, d'ailleurs j'avais un vieux sac et je faisais du autostop. Mais à l'époque, non, assez peu d'ailleurs. Et maintenant, lorsque vous y pensez, vous présentez cela comme une question par rapport à votre mère. Oui. Enfin, c'est comme ça que vous venez de le présenter. Oui, c'est ça. Et moi, il me vient une question. La voici. Vous aviez quel âge à ce moment-là? C'était pas que j'avais 16 ans et demi. Pourquoi êtes-vous partie? Aviez-vous un motif? Non, il n'y a pas besoin de motif. En fin de compte, j'étais très bien chez moi. Et non, j'avais un besoin de voir des choses. Et j'avais envie de me balader, c'est tout. C'est très simple. S'arrêter là, j'avais envie de changer. J'avais envie de... Et en fin de compte, je me suis trompée parce que ça ne changeait pas du tout. Et... Non, j'avais envie de changer. J'ai changé quelque chose, une routine familiale qui avait continuellement des... Et une sorte d'engueulade continuellement chez moi. Ça a coupé tout d'ailleurs, maintenant ça va très bien, mais je sais pas, c'était très simple, j'avais envie de changer d'air, de voir des choses. En réalité, j'ai pas vu grand chose d'ailleurs. Bon, vous aviez envie de changer. Oui. Ça a été de propos délibéré, je veux dire. Est-ce que vous vous êtes dit longtemps à l'avance, il faudra un moment que je parte pour que cela se change, ou est-ce que c'est venu selon un coup de tête, comme on dit? Un coup de tête, c'est pas tout à fait ça, et. Y a-t-il eu un événement? Un événement? Non. Un événement en moi, de toute façon, étant à partir du moment où je me suis dit ça, donc il y a eu un événement. Si vous voulez, ça n'a pas du tout été non plus un coup de tête en disant je fais une fugue, j'ai plus envie de voir ma mère, ni mes parents, personne. Mais non, il y a eu un événement en moi, c'est sûr, j'avais envie de partir, enfin, c'est déjà quelque chose. Et entre le moment où vous vous êtes dit je vais partir et le moment où vous êtes parti, il s'est écoulé combien de temps? Oh, il a dû s'écouler 15 jours. 15 jours en me demandant si je le faisais ou pas. Et... Je l'ai fait, en fin de compte. Et alors, le tout départ de ça, est-ce que ça a été ce que vous appelez une engueulade? Non, même pas. Un verre qui tombe, ou bien au contraire, une grande gifle, ou de l'argent volé, ou je sais pas, enfin... Non, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Premièrement, évidemment, ça m'était beaucoup des gifles et des choses comme ça, j'en recevais pas mal. Je faisais des engueulades aussi, c'est normal, enfin, je les méritais. Mais ça y a eu de ça aussi, et puis il faisait beau, il faisait très beau. Je suis très jeune, j'ai 17 ans et demi. C'était l'année dernière au mois de juin. Alors, je suis partie? Non, attendez, vous n'êtes pas encore partie. Non, là, je ne suis pas encore partie. Vous n'êtes pas encore partie. Donc, 15 jours se sont écoulés. Oui. 15 jours se sont écoulés et il n'y a pas eu d'événement, enfin, du style où ça change, où je te mets dans une maison de correction, ou enfin, n'importe quel événement. Non, mais elle n'était pas du tout au courant que j'allais partir. Elle s'imaginait absolument pas que j'allais partir. C'était trop. Je l'ai fait très, très en dessous. C'est très sale d'ailleurs ce que j'ai fait. C'est vrai, vis-à-vis d'elle, c'était story. J'ai pris mes affaires en douce, si je peux te dire, et je suis partie. Excusez-moi, vous parlez de votre mère. Et puis de temps en temps, j'ai entendu le mot « parent ». Ça signifie quoi ? Écoutez, ma mère est divorcée, de toute façon. Et ma mère est remariée avec un monsieur que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Oui, je l'aime bien. Mais il est un peu dur avec moi, des fois. Alors, c'est un peu à cause de ça. C'est pas à cause d'elle. Quand je parle d'un mur chaud, c'est ma mère, quoi. Ça me casse les pieds parce qu'il faut que je lui fasse son petit déjeuner tous les matins. Ça me casse les pieds, c'est ridicule. Ça me casse les pieds, c'est normal. Quel âge a-t-il ? Il a 35 ans. Et vous ? Moi j'ai 17 ans, demi. Et votre mère ? Elle a 39 ans, ma mère. Pourquoi vous demandez l'âge comme ça ? Je vis le moment, moi aussi. Oui. Je veux dire, vous avez parlé de petit déjeuner et... Il m'est venu ça à l'esprit. Et vous n'aimez pas faire le petit déjeuner tous les matins ? Pas trop, des fois, oui. Et pourquoi ça me c'est fait plaisir si de le faire parce que je ne le ferai pas faire par ma mère. Alors je le fais, mais ça m'énerve. Ça consiste à quoi ? Ah, mais de faire du café, faire des tartines, griller du pain, du beurre et de la confiture dessus. Et après ? Pour leur porter dans le lit, dans leur lit. Et après ? Après, je prends le mien. Je fais le mien en même temps. Dans la salle à manger. Toute seule ? Et après ? Après, je fais la vaisselle. Le matin, on va partir. Vous n'aimez pas en ce moment, je sens. D'ailleurs, je sens que je vous énerve à vous taquiner avec ça. Hein ? C'est net, hein ? Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît pas ? Cette espèce de... contrainte à faire, je pense. La façon dont il me demande de le faire, je le ferais volontiers, je m'en fous, mais... C'est ridicule. Trouvez pas, je sais pas. Qu'est-ce qui est ridicule ? Qui me... Mais non, le petit déjeuner ! Ça m'énerve. Tous les matins, ça m'énerve. Je peux... J'aime pas ça, ça. J'ai l'air d'être complètement... Ça a l'air d'être une... C'est bon, ils sont fatigués, ils travaillent beaucoup. Ils sont assis, ça, d'accord, mais quand même. J'ai envie de dormir, moi aussi, le matin, des fois. J'adore dormir. Demandez le passant dingue à dormir. Comment il est, votre beau-père ? Physiquement ? Oui. Il est moralement ? Je sais pas. Une cigarette. Il est grand, maigre, des moustaches. Il est toujours fatigué. Il est de très mauvaise humeur quand il est fatigué. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est décorateur. Ah, mais il est dans votre branche ? Oui. Et votre mère ? Ma mère l'aide, ça dépend. En ce moment, elle tient un stand au Galerie Lafayette de meubles. Ça doit être fatigant, non ? Oui, très fatigant. Très fatigant. Très fatigant. Puis des fois, elle est décoratrice elle-même, mais... Genre, il n'y a pas beaucoup de fric, alors elle travaille. Vous avez des problèmes de fric dans la famille ? Ben, oui. Enfin, ça dépend. Plus ou moins. Dans toute famille, c'est comme vous ça. Vous avez frères, sœurs ? J'ai des demi-frères, j'ai des demi-sœurs. Qui ont quel âge ? Si j'ai une demi-sœur qui a 29 ans. C'est côté de mon père, c'est côté de ma mère. Et une autre qui a 24 ans. J'ai un petit frère qui a 10 ans. J'ai une toute petite sœur, une demi-sœur, qui vient de naître, qui a 4-5 mois. Les auditeurs peuvent pas voir votre visage, mais lorsque vous avez parlé, la petite sœur de 4-5 mois, il y a eu une petite moue qui était du style « elle me casse les pieds hein. ». J'interprète mal ? Oui. Ah bon ? Non. Pour rectifier ? Oui. Non, elle ne casse pas les pieds. Elle est petite, elle prend encore son biberon. C'est pas elle qui vous casse les pieds. Non, je suis allée tout dernièrement chez mon père, là, il y a vacances de Pâques. Ça m'énervait de la voir, là, parce que mon père s'est remarié avec une jeune femme de l'âge de ma sœur, qui est vraiment détestable. Je m'en fous, moi. Mais c'est physique, si vous voulez. Elle est détestable. 24 ans, là. 3 ans, elle passe ses journées à rien foutre. Elle se lave à 11h. C'est ça qui m'énerve, c'est pas la gosse, c'est elle. Alors, j'ai l'impression que c'est d'elle, donc... Quel âge elle... Pardon ? Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Non, je sais plus ce que je voulais dire. Pardon. Je voulais dire, quel âge a votre père ? Mon père, il a 58 ans, presque 60. Je sais pas exactement, enfin, dans ces âges-là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est industriel. Et votre belle-mère ? Il faut rien. Elle a quel âge ? 24 ans. Alors elle a eu sa sortie de son enfance. Sortie de son enfance, elle s'est mariée, elle a eu un gosse, puis c'est fini, puis maintenant elle ne faut rien. Elle s'habille, voilà, jolie vêtements, jolie robe. Puis ça va vaguement faire la vaisselle, quoi. Vous l'aimez pas, hein ? Non. Je préférais les... Je connaissais les... Parce que mon père s'est marié 4 fois. C'est un drôle de monsieur. Il s'est marié 4 fois et je préférais les 3 premières. Oui. Qu'est-ce qui la distingue, celle 4e ? Parce que vous l'avez distinguée d'une façon un peu matérielle, mais... Oui, mais c'est justement ça. Elle est très matérialiste, de toute façon. Et... Vous avez l'impression de quoi ? Elle est avec mon père pour l'argent, c'est sûr. C'est pas bien, je trouve. Je sais pas, enfin... Ça lui plaît peut-être, à lui. Il l'a réalisé, de toute façon. Je crois pas que ça lui plaît. J'ai l'impression qu'il s'est marié pour... Il a peur de finir sa vie seule, j'ai l'impression. Comment vous êtes avec votre père ? Oh, les relations sont assez froides. Très froides, même. Il s'occupe pas de moi. Il m'envoie une pension tous les mois. Je lui téléphone de temps en temps. J'essaie de l'avoir au téléphone. J'ai la belle-mère au téléphone. Chaque fois que je téléphone. Vous ne cherchez pas à le voir ? Si, j'aimerais le voir. Vous aimeriez voir votre père ? Oui, j'aimerais le voir. J'aimerais qu'il s'occupe de moi. C'est ravissant, Amsterdam. Vous savez, il y a l'eau qui pénètre dans la ville, des petits ponts partout. Très joli. Et pourquoi étiez-vous à Amsterdam ? Amsterdam, je sais pas, ça me plaisait. Premièrement, le nom m'a beaucoup plu, Amsterdam. Ça me plaisait toujours, je voulais absolument aller à Amsterdam. Vous cherchiez pas à voir quelque chose de particulier ? Ah non, non, pas quelque chose de particulier. Je voulais voir Amsterdam, je voulais y aller. Puis c'est très beau, en fait. Et les gens sont très gentils, là-bas. Les jeunes sont très gentils. J'ai connu beaucoup de pauvres hollandais. Et certains étaient bien. Ils parlaient anglais. Certains étaient bien. Mais vous alliez où lorsque vous débarquiez dans une ville ? Vous cherchiez quoi ? Quelle est l'astuce L'astuce, quand on arrive dans une ville, vraiment, quand on va déjà à Anvers, on m'a donné des adresses, un café qui s'appelle le Phonobar, Amsterdam, et beaucoup d'autres cafés où on pouvait trouver des garçons ou des filles qui habitaient là et qui pouvaient nous loger éventuellement. Ou alors on demandait des maisons abandonnées. À l'époque, je me rappelle, à Amsterdam, il y avait une péniche où on pouvait dormir. On vous l'avait dit, quoi. Oui, on nous l'avait dit. Au fond, il y a une espèce de réseau, quoi. C'est oui, ça, c'est quoi. Une véritable mafia. Il y a une mafia. Mais alors, oui. De quel genre? Allez, parlez-moi un peu de cette mafia, d'une façon générale. Hein, parce que... Qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce que c'est que cette mafia? Décrivez-la un peu, quoi. Ce sont des jeunes qui, que quoi, dans où? Ce sont des jeunes, la plupart du temps, qui voyagent. Des jeunes qui n'ont rien à foutre et qui donnent des adresses. C'est ça. Pour dormir. En disant, fais attention de ne pas se faire piquer par les flics. C'est tout ce qu'ils disent. Et les flics, ils sont internationaux. Les flics sont internationaux, oui. C'est vrai. Est-ce qu'il y a, je crois, une cigarette? Non, non, allez-y. Je t'ai emmerdé, je sais pas. Ils sont emmerdants, d'ailleurs, parce qu'en fin de compte, il y a beaucoup de choses dont ils peuvent s'occuper, je crois. Sans justement cette mafia, peut-être que j'aurais pas... Oh, si, quand même, j'aurais su dormir. Parce qu'en fin de compte, c'est ça qu'on veut. On veut dormir, d'abord. Il n'y a que ça de vrai, d'ailleurs. Excusez-moi. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'y a que ça de vrai? Oui, c'est merveilleux de dormir. J'aime bien dormir. J'aime bien. Je vous assure. J'aime bien dormir et manger. Réaliser tous les rêves d'une adolescence. Changer d'île à volonté. Vous choisissez celle qui vous tente le plus. Celle qui vous fait le plus rêver. Vous y arrivez. Vous y séjournez le temps que vous souhaitez. Puis, vous embarquez pour une autre île. Sur chaque île, vous trouvez un accueil aussi chaleureux, un luxe aussi raffiné, une détente aussi totale. Lu dans Elle, 1967. La douceur du foyer. C'était une émission d'Harold Portnoy, avec les témoignages de Michel, 15 ans, Marc, 17 ans, Bettina, 17 ans et demi. Texte dit par René Farabet. Assistant Jacques Devin. Réalisation Bernard Saxel. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 2 mai 1967. Sonne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. Samedi et dimanche prochain, à la même heure, l'année 1967 se poursuivra au théâtre, au Festival mondial du théâtre universitaire de Nancy, pour commencer, puis en Avignon, puis en fréquentant le Living Theatre, et enfin, en nous permettant de découvrir deux débutants, ou presque, Patrice Chéreau et Ariane Nouchkine. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, prise de son Valérie Lavalard, document INA Aude Vassan, réalisation Clotilde Pivin. À réécouter en ligne ou à télécharger sur le site franceculture.fr à la page de l'émission. Could have fun just